Très bien. Se nourrir sans mettre en danger sa santé est-il devenu une sorte de sport de combat ? À en croire les multiples scandales alimentaires qui émaillent régulièrement l'actualité, salmonelle dans le lait, fipronil dans les œufs, pesticides à toutes les sauces et perturbateurs endocriniens en dessert, notre nourriture quotidienne serait une sorte de cocktail toxique de produits chimiques, d'adjuvants vénéneux et nous tuerait à petit feu. Et pourtant, jamais notre espérance de vie n'a été aussi longue et jamais nous n'avons vécu autant en bonne santé qu'aujourd'hui. Alors que faut-il croire ? Mangeons-nous mieux ou plus mal qu'avant ? Est-il vraiment si compliqué de manger sainement ? Sécurité alimentaire, se nourrir, c'est mourir un peu. Voilà le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner, oui, dans les moindres détails, le contenu de nos assiettes et savoir si effectivement se nourrir, c'est mourir un peu, bien, nous avons le plaisir de recevoir Marion Guillou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Agrinium, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Bonjour Marie-Hélène Schwab. Bonjour. Vous êtes ingénieure agronome, chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, eh bien, pour commencer une question simple, est-ce qu'on mange mieux ou plus mal qu'avant, Marion Guillou ? Alors, ça dépend quel est le avant, bien sûr. Hein. Bien globalement. Sûr. Disons qu'il y a un siècle, allez. Alors, qu'il y a un siècle, sans aucun doute, puisqu'au début du siècle précédent, le nombre de morts par tuberculose, la contamination du lait était terrible. Donc, tout ça, ça dépend du point de départ. Mais globalement, on peut manger beaucoup mieux qu'avant. Le sujet, c'est bien sûr l'excès de sucre, de graisse, et donc le surpoids et l'obésité. Je veux dire, le sujet qui monte, c'est bien celui-là, non seulement en France, mais dans le monde entier. On peut peut-être préciser d'ailleurs que l'intoxication alimentaire, l'empoisonnement alimentaire, était au début du XXe siècle la troisième cause de mortalité en Europe occidentale. Oui, c'est ça, il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème de la disponibilité alimentaire, la disponibilité physique de produits alimentaires, par exemple de protéines, était quand même beaucoup, enfin, bien moindre qu'aujourd'hui. Et c'est encore le cas dans certains pays en développement. Donc, je souscris à ce qu'a dit Marion Guillou. Aujourd'hui, on a la capacité, en tout cas, de manger beaucoup mieux qu'avant. Alors, pour autant, comme je le disais dans l'introduction, c'est vrai qu'on entend un certain nombre de scandales alimentaires de façon régulière. Alors, j'ai sorti, pour commencer, trois études qui donnent un peu cette espèce de paradoxe qu'on va essayer de démêler au cours de cette heure. Première étude, qui est une étude française publiée le 15 février dernier dans le British Medical Journal, sur plus de 100 000 participants, donc avec un panel très important, une augmentation de 10% des aliments ultra transformés, on définira ce que c'est, qui est associé à une hausse de 12% de risque global de cancer. Première étude. Deuxième étude, c'est un rapport cette fois d'une ONG qui s'appelle Génération Future, qui date de février dernier, qui porte sur l'analyse toxicologique de 11 000 échantillons de fruits et légumes non bio. Et bien sur ces 11 000 échantillons, c'est aussi un large panel, 73% des fruits, 3 fruits sur 4 et 41% des légumes montrent des traces quantifiables de pesticides. C'est la deuxième et la troisième. Pour finir, une étude de l'ANSES, ce qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale, sur une période de 5 ans, cette fois entre 2011 et 2005, cette étude dit que sur l'alimentation des adultes et des enfants de moins de 3 ans, 85% des substances qui ont fait l'objet d'une évaluation ne présentent aucun risque pour la santé générale. Donc, deux études négatives, une étude positive. Votre réaction à ces trois études, on va évidemment avoir le temps de rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Marion Guillou. Alors d'abord, la cohorte Nutrinet, qui est effectivement sur un nombre significatif de gens, donne des résultats qu'on n'attendait pas, qu'on ne connaissait pas. Hein. Personne n'avait regardé cette corrélation. C'est la première étude, c'est le British Medical Journal sur les aliments ultra transformés. C'est ça. Donc là, il s'agit maintenant de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que de comprendre si c'est une question d'emballage, de matériaux au contact, si c'est une question de produits raffinés. Enfin, vous voyez... objectivement, l'article donne les faits et se pose des questions. Donc c'est intéressant en tant que tel. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Le deuxième travail qui est pas donc à utiliser les qui n'est pas une étude, hein, qui est un rapport d'une ONG. Voilà, donc il faut faire la différence. Ce n'est pas une étude scientifique publiée dans une revue à comité de lecture. C'est ça. Et donc ça utilise les données d'analyse de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, hein, de fruits et de légumes. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est quand on trouvait des traces de pesticides quantifiables. Ils n'ont pas regardé si les pesticides étaient présents à une dose non compatible avec la santé humaine. Ils ont regardé s'il y avait des traces et donc ils donnent des proportions 73% et 41%. Et quand vous regardez donc les résultats de la DGCCRF, il y a 2,7% d'un côté, 3,5% de l'autre, hein, fruits et légumes, qui eux dépassent la limite maximale de résidus. Donc tout ça, ça dépend si on parle présence infime. C'est l'étude de Génération Future, c'est la publication de Génération Future, le rapport de Génération Future. Si on parle de produits qui posent un problème de limite maximale, ben c'est disons autour de 3%. Voilà, donc ça dépend toujours ce qu'on cherche à voir. Génération Future cherchait à voir si on retrouvait des traces de pesticides dans les produits. Et par contre, si on parle de sécurité alimentaire, il faut regarder si on dépasse les limites maximales résiduelles. Donc tout ça, ça dépend du point de vue. Et puis l'ANSES, oui, ben c'est l'étude de l'ANSES, elle est plutôt rassurante pour les mamans. Enfin, je pense que c'est le sujet le plus sensible de tous. Hein. C'est l'alimentation des nourrissons. Et moi, en la lisant, cette étude, hein, qui est fort intéressante, j'en ai retenu quelque chose qui a été surprenant pour moi à titre personnel. C'est ne donner pas de miel aux enfants de moins de 1 an. Voilà. Donc, oui, j'ai été surpris en lisant ça tout à l'heure aussi. Parfois, on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, effectivement, elle est bien faite, elle est intéressante. Et il y a des recommandations. Donc, ne donnez pas de lait ordinaire pour des trop petits. Si vous pouvez, évidemment, l'allaitement maternel est à favoriser. Sinon, vous avez des laits faits pour, mais pas de lait du commerce pour des trop petits et pas de miel. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Donc, sinon, l'étude était plutôt apaisante d'une certaine manière. J'ai choisi ces études parce que ça va nous permettre de parler en fait dans un premier temps des aliments ultra transformés dans un instant, puis des additifs et enfin des traces de pesticides. Mais un mot aussi sur le fait d'avoir choisi ces trois études et de les avoir corrélées commencer. Justement, ces trois études ont été bien choisies. Elles mettent bien le doigt sur le fait qu'il y a deux problèmes principaux aujourd'hui quand on parle de nutrition. Il y a un problème qui est lié aux pratiques agricoles. Aujourd'hui, on utilise, dans les dernières années, les études montrent qu'on utilise de plus en plus de doses unités de pesticides. Donc ce sont des résidus qui se retrouvent possiblement dans l'alimentation, avec des effets qu'on n'est pas encore capable de mesurer tout à fait bien, parce qu'on va en parler un peu plus tard, il y a le problème des effets cocktails. Les effets cocktails de plusieurs pesticides. Même si, effectivement, les seuils sont mesurés, sont en dessous des seuils qui sont fixés par les agences de sécurité sanitaire. Et la deuxième chose que ces études pointe, c'est l'impact des processus qui sont au-delà du champ des processus de transformation, des processus vers des produits ultra transformés avec l'ajout d'additifs alimentaires, le conditionnement dans certains matériaux plastiques qui éventuellement se retrouvent aussi dans les aliments. Donc on parle vraiment de deux champs d'action très différents. Et ce que ces études et l'ensemble des autres études qui commencent à sortir, qui parlent de l'interaction entre toutes ces molécules montrent, c'est la complexité en fait de quantifier sur des larges populations, sur un temps donné qui est nécessairement très long, l'ensemble de l'interaction de toutes ces molécules auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons de sécurité alimentaire à 16h10 sur France Culture, en compagnie de Marion Guillou et de Marie-Hélène Schwab. Alors on va commencer peut-être par quelque chose qui fait le plus consensus, ce sont ces AUT, ces aliments ultra transformés, dont on sait et dont un certain nombre d'études prouvent aujourd'hui qu'ils sont nocifs de façon, quand ils constituent la source principale d'alimentation de façon répétitive. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être, Marion Guillou, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par aliments ultra transformés? Les aliments ultra transformés tels qu'ils ont été classifiés, ce ne sont pas les aliments bruts, donc pas les fruits, légumes, le morceau de viande. Ce ne sont pas les aliments avec une première transformation. Les fromages ne sont pas dedans, les viandes salées ne sont pas dedans, vous voyez, les préparations très simples ne sont pas dedans. Les conserves ne sont pas dedans. Voilà. Voilà, donc c'est les premières transformations ne sont pas dedans. Ce qui est dedans, c'est tout. Les petits pains, c'est les produits très sucrés, les boissons sucrées, les biscuits, voilà. Donc, Les céréales aussi, il faut l'entendre, parce que les céréales, il y a une étude récente qui montre que les céréales dont on imagine qu'elles sont plutôt bonnes pour la santé parce que c'est manger finalement des céréales, bien, ce sont des aliments ultra transformés avec des ajouts de sucre, notamment. Voilà. Donc, c'est bien, on parle bien de ces aliments ultra transformés. Donc, ça fait un petit moment que, on sait bien que le problème, c'est l'ajout de sucre, c'est l'ajout de sel, c'est le total de gras, les gras saturés. Enfin, donc, on sait depuis un petit moment que le problème de ces aliments, c'est souvent qu'ils brossent les gens dans le sens du poil. Parce qu'au fond, en général, le goût sucré, le sel, le gras qui capte les arômes, comme vous le savez, les matrices grasses captent les arômes, ça fait des aliments agréables à manger, et donc des aliments qui sont agréables, et donc que les gens ont envie d'acheter, et en plus, souvent, ça va avec le fait que ce n'est pas très cher. C'est-à-dire, ce sont des matières qui ne sont pas très chères. Donc c'est terrible, parce que au fond, d'une certaine manière, quand c'est mal composé, parce que c'est pas systématiquement mauvais, les aliments ultra transformés n'ont pas de raison d'être systématiquement moins bons pour la santé. Par contre, quand ils sont déséquilibrés, évidemment, évidemment, ils sont mauvais pour la santé. Et donc le sujet, c'est déjà comment faire baisser les concentrations de sucre ajouté, comment faire baisser les concentrations de graisse par rapport aux produits moins transformés, voyez. Et c'est vraiment le premier sujet de sécurité alimentaire en France et dans le monde. C'est comment éviter ce surapport, d'une certaine manière, en substances qui ne sont pas désirables pour le corps quand ils sont en excès. On trouve dans les statistiques que ces aliments ultra transformés constituent entre un quart et jusqu'à la moitié de notre alimentation quotidienne. C'est quand même très important. C'est très important, et surtout c'est un chiffre qui est en augmentation, parce qu'aujourd'hui la tendance c'est quoi ? C'est des consommateurs qui ont de moins en moins le temps de cuisiner. Et ce qui explique que cette volonté de s'orienter vers des produits ultra transformés, vers des plats préparés, etc. Et ça, ça a plusieurs conséquences. Ça, les conséquences sur la santé, donc que pointe cette étude qui est publiée dans le BMJ, mais ça a aussi des conséquences économiques. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois par le WWF et Eco2 qui parle du fait d'avoir accès à une alimentation de qualité qui a un coût. Forcément, une alimentation de qualité biologique ou à haute valeur environnementale, ça a un coût. Mais le coût pouvait être diminué significativement si on enlevait du panier la part des aliments transformés, industriels, etc. Donc la combinaison des deux, l'impact positif sur la santé et sur l'économie, nécessite d'essayer de repenser comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance vers de plus en plus de produits transformés et de moins en moins de temps pour cuisiner. Il y a deux composantes sociales et industrielles importantes dans la généralisation de ces aliments ultra transformés. La première, c'est que plusieurs études tentent à prouver qu'effectivement il y a une dimension socio-économique, c'est-à-dire que ce sont les couches les plus populaires qui ont le plus facilement recours à ces aliments ultra transformés. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Guillou? Oui, alors effectivement, à un moment donné, je me souviens que les enfants, notamment des classes les moins favorisées, étaient ceux chez lesquels les taux d'obésité augmentaient rapidement. Et heureusement, il y a eu des campagnes, heureusement, il y a eu des mesures d'interdiction des distributeurs de soda dans les écoles, vous voyez, des choses qui relèvent de politique générale, d'une certaine manière. Et donc, l'augmentation s'est arrêtée, heureusement. Mais effectivement, c'est pas cher. Le sujet, c'est vraiment ça, c'est le coût d'aliments faciles, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire gras, sucré, salé, souvent ils sont moins chers et ils sont agréables à manger. Donc c'est terrible. Et si on n'a pas un filtre culturel qui dit attention, je ne dois pas aller vers cette facilité, évidemment ça augmente. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en fait le sujet il est à la fois de mode de vie, de finalement économique, mais ce qu'il faut remarquer, quand on avait travaillé sur l'alimentation et les fruits et légumes, par exemple des légumes surgelés, c'est pas très cher et ça permet de manger des légumes. Mais évidemment, il faut les faire cuire. Mais donc il y a des moyens économiques qui permettent de respecter les équilibres alimentaires. Donc le sujet, c'est une combinaison de problèmes économiques, de problèmes culturels et de temps de préparation. Mais il y a des solutions pour ceux qui veulent manger équilibré et à bon marché. Parce que les liens, là pour le coup, effectivement, sont établis par plusieurs études qui attestent pas seulement celle du British Medical Journal, mais qui attestent une augmentation des troubles cardiométaboliques, de l'obésité, de l'hypertension, de la dyslipidémie, du diabète de type 2, tous ces troubles qui sont vraiment aujourd'hui des troubles de l'alimentation contemporaine. Sel, sucre et graisse saturée. Il y a pour le coup, effectivement, vous parliez de politique publique, il y a pour le coup une question également qui revient régulièrement, celle de l'étiquetage, avec une opposition très ferme en France pour le moment, du lobby de l'agroalimentaire qui refuse un étiquetage simple qui pourrait être fait à partir de pastilles vertes, oranges et rouges en disant c'est plus ou moins bon et qui serait plus lisible pour tout type de consommateur. Qu'en pensez-vous? Non, mais cette question des politiques nutritionnelles, elle est absolument fondamentale aujourd'hui. Parce que, le problème du siècle, c'est les maladies non transmissibles, donc liées au problème de surpoids, obésité, etc. Hein. Le chiffre des gens en surpoids et ou obèses en France, c'est 60%. Donc c'est plus de la moitié de la population, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose sur lequel il faut agir. Et l'autre raison pour laquelle les politiques nutritionnelles sont absolument fondamentales, c'est que nous, à l'IDRI, on travaille beaucoup sur la transformation des systèmes agricoles vers plus de durabilité. Et l'un des leviers absolument fondamentaux pour cette transformation des systèmes agricoles vers plus de durabilité, c'est l'évolution des comportements alimentaires, l'évolution du panier nutritionnel moyen en France et en Europe. Et les politiques nutritionnelles sont vraiment au cœur des leviers d'action. Après, la nutrition, c'est complexe. C'est quelque chose qui est complexe. Et les politiques nutritionnelles sont doublement complexes parce qu'elles doivent faire passer un message de manière relativement simple, alors qu'à la base, il est compliqué. Hein. C'est pour ça que les industries agroalimentaires s'opposent à un étiquetage qui est trop simple, qui classerait des produits qui ont potentiellement un certain apport nutritionnel comme des produits rouges, donc qui seraient pas forcément... Qui seraient mauvais pour la santé, disons-le, simplement. Mauvais pour la santé. Donc c'est le fait de faire passer ce message est très compliqué, et il y a de plus en plus aussi d'études qui montrent que il suffit pas en fait de savoir qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut le savoir, il faut en avoir la possibilité. On revient à la dimension socio-économique. Exactement, il y a dans certains quartiers défavorisés, hein, on peut regarder les supérettes, qu'est-ce qu'elles mettent dans les... Dans les étalages, dans les quartiers populaires versus dans les quartiers un peu plus économiquement bien lotis. Donc on peut faire cette étude-là, et les études montrent que ça ne suffit toujours pas, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas d'avoir accès, il faut en plus d'autres dimensions psychologiques pour vraiment intégrer le message et pour vraiment changer son comportement. Donc ça, c'est un gap en matière de recherche qui est absolument énorme, et c'est fondamental pour activer les leviers de la transition. Est-ce qu'on a des exemples d'autres pays où les politiques publiques seraient plus encourageantes, ou en tout cas plus restrictives, ou en tout cas plus avec un affichage plus simple ou plus clair directement, et qui aurait pu avoir des conséquences en termes de santé publique, Marion Guillou? Déjà, il faut commencer par se dire que les modèles alimentaires français nous sauvegardent un peu de ces dérives vers le sucre, le sel, le gras, etc. Parce que le fait de se mettre à table, le fait souvent d'être à plusieurs, il y a des choses toutes simples en politique nutritionnelle. Si votre assiette est plus grande, vous mangez plus. Si vous regardez la télévision en mangeant, vous mangez plus. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs totalement externes au fait de manger qui font qu'on ressent ou qu'on ressent moins la satiété. Donc, de fait, le modèle familial assis à trois, disons, deux repas et le petit déjeuner est plutôt un modèle favorable. Donc, si on considère ça, les pays dans lesquels on mange le mieux au sens diététique sont ce qu'on a appelé les pays méditerranéens, le Japon, donc des pays dans lesquels il y a plus d'équilibre et moins de graisse, disons, spontanément dans le régime alimentaire. Moins de graisse saturée, je crois que c'est important de le préciser. Moins de graisse saturée, oui. Vous avez raison, l'huile d'olive n'étant pas... Voilà, exactement, ça. Il y a des compositions d'huile qui sont pas exactement, qui n'ont pas les mêmes effets, ou des compositions de graisse qui n'ont pas le même effet, oui. Donc oui, il y a des pays dans lesquels on mange mieux que chez nous, mais on est quand même un pays que la culture générale avantage de ce point de vue-là. La culture du repas à table. Peut-être un mot aussi, puis on va vous mettre le lien sur le fil Facebook. Aujourd'hui, il y a des applications citoyennes qui sont gratuites. Je pense à une application notamment qui s'appelle Yuka, qui permettent de scanner les codes barres et qui permettent d'avoir précisément en supermarché un code rouge, orange, vert, et qui disent exactement, bien voilà, ça c'est rouge parce qu'il y a trop de sucre, il y a trop de sel, il y a trop d'additifs, et trop d'additifs qui sont des additifs jugés comme toxiques. On va vous mettre le lien vers cette application. Et ce qui me fait venir justement à cette question des additifs alimentaires qui sont pour tout un chacun totalement illisible sur un produit quelconque. Il y en a plus de 400 qui sont autorisés en Europe. Qu'est-ce que c'est que ces additifs alimentaires? Il y en a plusieurs types de catégories. Est-ce que c'est forcément mauvais? Est-ce qu'il faut forcément les éviter? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est inévitable, Marion Guillou? Ça dépend desquels. L'idée de base de l'additif, c'est qu'il n'est pas autorisé s'il n'a pas une fonction utile. Donc, a priori, c'est interdit. Et c'est sur autorisation individuelle quand on montre qu'il y a une fonction. Bon, vous voyez, on parle par exemple beaucoup des nitrites dans le jambon. Si les gens en mettent, c'est pas qu'ils sont idiots. C'est bon, il paraît qu'il y a une question de couleur. Ça, je ne sais pas quelle est la différence de couleur. Et en tous les cas, l'idée, c'était de lutter contre le botulisme. Donc, ça avait une fonction microbiologique. Et initialement, c'était cette fonction-là qui avait fait qu'on avait mis effectivement ces nitrites de sodium dans le jambon. Alors, il y a toujours une raison au démarrage. Et puis après, bien disons que c'est une question de il y a une dose limite autorisée. Quand l'additif est soumis à la procédure d'autorisation, on fixe des doses autorisées en fonction de la dose sans effet et puis du régime alimentaire moyen d'une personne en mettant au maximum chacun des produits. Donc il y a une méthodologie pour autoriser les additifs et c'est jamais, je vous recommande pas de manger de l'additif, mais c'est toujours des faibles doses. Donc il ne faut pas dire qu'ils sont toxiques en tant que tels. En général, ils ont une fonction technologique ou microbiologique ou d'équilibre de la denrée, parce qu'on cherche à la conserver plus longtemps. Donc, ils ont une fonction. On peut dire effectivement que depuis 1912 en France, il y a un concept de liste positive qui fait que tout additif qui n'est pas autorisé est donc interdit. Par défaut interdit. Un mot sur ces nitrites, ou sur ce qu'on appelle la DJA, c'est-à-dire la dose journalière admissible, qui, comme le dit Marion Guillou, n'est pas du tout un seuil de toxicité, loin s'en faut, qui est très très très très, très en dessous du seuil de toxicité. Oui, Marie c'est ça, Schwab. Tout à fait. Non, mais les études qui sont conduites par les agences nationales en charge d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, elles ont quand même un certain degré de prudence, ça c'est sûr. Après, de plus en plus de recherches commencent à essayer de s'attacher donc à la combinaison de plusieurs molécules, parce qu'on est exposé tous les jours à des centaines de molécules différentes, non seulement au travers de l'alimentation, au travers de l'atmosphère, au travers du contact avec d'autres substances via tout un tas d'autres vecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui sont des études qui sont extrêmement complexes à mener, et surtout la causalité de quelles molécules ou quel assemblage de molécules donne lieu au développement de telles maladies. C'est des montants de recherche et des durées de recherche qui sont absolument phénoménaux à mobiliser. On va revenir sur cette notion d'effet cocktail. Alors, les effets cocktails, a priori, il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa, ça ne concerne pas, a priori, pas les additifs, mais néanmoins, il y a quand même, effectivement, comme le disait Marion Guillou, des questions qui se posent autour de quelques additifs. Alors, pour vous donner une idée, il y a cinq grandes catégories d'additifs. Il y a les colorants type E100, donc qui seront là comme vous dites pour donner une certaine couleur ou pour enrichir la couleur de la nourriture. Vous serez ravis par exemple d'apprendre que on peut mettre des extraits de cochenille, qui est un petit insecte, pour donner la couleur rose à votre yaourt à la fraise. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un peu bon appétit pour ce soir. Les édulcorants, comme le E900 ou le E400. Il y a les conservateurs qui permettent à la nourriture de se conserver plus longtemps, type E200. Les antioxydants ou les acidifiants qui permettent d'empêcher la nourriture de se teinter, d'avoir des mauvaises couleurs, type E300, et les agents de texture qui donnent effectivement une certaine texture, une épaisseur à la nourriture, plus les arômes de synthèse qui ne sont pas considérés comme des additifs. Est-ce qu'il y a des additifs dont il faut se méfier plus que d'autres? Vous parliez des nitrites et des nitrates, effectivement, dont on estime qu'à une certaine dose, ils peuvent provoquer des cancers, notamment des cancers du côlon. Alors, j'en profite parce que régulièrement, on parle, vous savez, d'une sacrée liste de villes juives. J'en profite pour redire qu'elle est bidon. Oui, donc, attention, parce que ça revient régulièrement. Et je me souviens du premier exemple qui est l'acide citrique. Attention, danger, mort. C'est ce qu'il y a dans le. Bon, vous savez, dans les citrons, dans les fruits et légumes. Bon, dans les fruits. Oui. Donc il faut faire attention, il y a parfois des dans les antioxydants, il y a des je ne sais plus quel est le code, mais la vitamine C, CE200, ou je ne sais plus, enfin, bon, bref, je peux vous le retrouver, mais enfin il y a certains de ces additifs qui sont... Les antioxydants ont des vertus plutôt, on sait qu'en santé publique, on a tendance à valoriser les antioxydants, donc tout ça c'est toujours une question un petit peu balancée. Alors oui, il y a effectivement un certain nombre d'additifs. C'est l'acide ascorbique, la vitamine C, E300, oui, c'est ascorbique, c'est ça, oui, exactement. Autant pour moi, je le cherche. Et Oui, donc certains additifs dégradés dans le corps peuvent donner des molécules à caractère, selon les cas, cancérigènes ou autres. Et c'est ces molécules-là auxquelles on fait attention. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les molécules qui peuvent se dégrader en une molécule posant des problèmes de santé. Et dans ces cas-là, c'est en limitant les doses et en limitant les apports, et en limitant les apports dans toute l'alimentation, c'est-à-dire en cumulant ce qui peut arriver en dose maximum dans chacun des aliments, qu'on fixe la dose journalière admissible. C'est-à-dire que vous regardez ce qui peut être dans chacun des aliments, vous combinez. Évidemment, l'aliment qui demande l'autorisation en dernier, il n'a pas de chance parce que, en général, les autres ont déjà été autorisés, donc il aura une autorisation très faible, mais c'est normal, c'est la règle. Et donc tel qu'autorisé, les additifs aujourd'hui ne devraient pas présenter de danger. Après, le sujet, c'est effectivement... Enfin, ne devrait pas présenter de risque. Le danger existe, mais le risque est extrêmement faible. Voilà. Puisque c'est l'exposition qui est extrêmement faible, même si le danger en tant que tel existe. Mais le sujet, c'est effectivement les combinaisons de choses non testées à l'avance. Parce que c'est extrêmement difficile de tester l'ensemble des combinaisons de tout ce qui va avec tout. Et donc, en fait, c'est là que les nouveaux instruments sont extrêmement utiles. C'est au lieu de regarder produit par produit et avant autorisation, et en essayant de trouver la causalité, c'est-à-dire quelle molécule fait quoi, on a des études de surveillance. Nutrinet, c'est ce genre d'études. C'est-à-dire on regarde les effets santé sur des gens et après on essaye de comprendre pourquoi. Et au fond, toutes ces affaires d'effets cocktails, à mon avis, on n'arrivera pas à les tester a priori. Par contre, la surveillance est essentielle parce qu'à ce moment-là, on voit un phénomène auquel on ne s'attendait pas qui arrive et ça pose des questions. Et à ce moment-là, on peut creuser. Vous voyez, c'est-à-dire pas creuser toute molécule avec toute molécule, ce qui n'a aucun sens parce qu'on absorbe et on est en contact avec tellement de molécules tous les jours. Par contre, avoir des systèmes de vigilance et de surveillance, il me semble que c'est la vraie solution pour être aussi attentif que possible. Dans les additifs, il y a une autre question qui se pose. On a parlé des nitrites ou des nitrates et de la question de la charcuterie, mais il y a aussi un autre additif qui a fait parler de lui pas mal, c'est le dioxyde de titane E171, qui sert notamment à blanchir ou à opacifier les dentifrices, et qui contient des nanoparticules, et on se pose beaucoup la question de la présence, de la multiplication de ces nanoparticules dans notre organisme, en grande partie parce que du fait de leur toute petite taille, elles peuvent avoir accès à des endroits qui sont normalement protégés de l'organisme, notamment le cerveau, puisqu'elles arrivent à passer la fameuse barrière hémato-encéphalique, qui est normalement protège justement le cerveau des molécules trop grosses, et c'est pour ça que le cerveau est un organe très protégé. Faut-il se méfier de ces additifs? Faut-il les interdire? Faut-il revoir peut-être la liste de ces additifs, Marie-Hélène Schwab, au vu de cette toxicité des nanoparticules supposées? Ce que vous pointez est intéressant aussi, parce que montre que ce n'est pas que au travers de l'alimentation que nous sommes exposés à des substances nocives, mais aussi au travers de l'utilisation de produits pharmaceutiques, paramédicaux, et la combinaison en fait de toutes ces molécules, comme le rappelait Marion Guillou à l'instant, est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de quantifier les risques associés à chaque combinaison de molécules. Donc c'est aux agences de sécurité sanitaire de faire le genre d'étude qui a été publié dans le BMJ, à savoir des études de long terme sur des grands panels de population qui essayent de déduire des causalités par rapport à l'apparition de certaines maladies. Si jamais ces causalités sont démontrées, il convient d'interdire les produits en question. Mais la seule possibilité aujourd'hui pour réduire le risque, même si les agences de sécurité font en sorte qu'il y ait un risque quand même relativement moindre, c'est de limiter au maximum le contact de chacun avec ce type de substance. Il y a beaucoup de mouvements qui se développent pour faire fabriquer ce genre de produit soi-même, chez soi, sans additifs. Vous parlez notamment par exemple du savon, de la lessive. Ça peut être une alimentation diversifiée, la plus diversifiée possible, peut-être moins transformée. Ce genre de solution existe dans les mains des consommateurs. Et puis il est question, et puis on va en reparler dans les effets cocktails aussi, de non seulement des aliments, mais de la façon dont ils sont emballés. Et dans les emballages, on parle évidemment beaucoup des perturbateurs endocriniens, dont on sait qu'ils peuvent être effectifs à des doses dose extrêmement faible. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, après l'interdiction du bisphénol A, notamment dans les biberons, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont suffisamment alertés sur la présence de ces perturbateurs endocriniens? Est-ce que on en trouve encore des traces dans un certain nombre d'emballages plastiques, hein, qu'on trouve dans n'importe quel type de supermarché, y compris des supermarchés bio, y compris des supermarchés responsables? D'ailleurs, il y a un certain nombre de coopératives ou de supermarchés qui tentent à supprimer au maximum les emballages pour avoir du service à la demande dans des containers ou dans des sachets plastiques. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on est suffisamment vigilant, il vous semble, Marion Guillou, sur ces perturbateurs endocriniens dans les emballages? Alors, la difficulté des perturbateurs endocriniens, donc c'est des molécules qui ont un effet, disons, sur le système de régulation des hormones, des hormonales, c'est qu'ils sont présents, bon, dans les matériaux au contact avec l'aliment, dans les biocides, c'est-à-dire dans les produits de traitement, assez largement, c'est-à-dire pas seulement dans un type de produit. Et donc, il faut arriver au niveau communautaire à faire bosser ensemble les gens qui travaillent chacun de leur côté sur l'ensemble des produits pour avoir finalement une certaine homogénéité de traitement et avoir un traitement global de l'exposition. C'est une des propositions qu'on a faites lors des états généraux de l'alimentation, dans mon groupe qui était sur l'alimentation saine, sûre, etc., dans un contexte mondialisé et en contexte de changement climatique. Un des sujets qu'on a mis en avant, c'est celui des perturbateurs endocriniens, mais surtout du travail conjoint de la partie alimentation, de la partie biocide, voyez, de la partie matériaux, etc., pour être certain que c'est globalement qu'on veille à la concentration auxquelles les personnes sont exposées. Donc ce sont des nouvelles démarches, c'est-à-dire qu'en fait ce type de produit oblige à revoir la manière d'aborder la sécurité des personnes. Et donc on a fait des recommandations sur la classification pour faire en sorte qu'ils classent de la même manière, ce qui n'est pas encore le cas, et pour qu'il y ait une vision totalement transversale. Donc oui, il y a encore des progrès à faire, donc je peux vous dire effectivement il y a eu des mesures, il y a toujours une attention aux dose, une attention aux matériaux autorisés, au contact alimentaire. Là aussi, il faut être autorisé. C'est-à-dire, a priori, on est interdit, il faut être autorisé. Donc, il y a tout un système de précaution, mais il manque cette approche horizontale. Donc, non, il y a encore des progrès à faire. Marie-Hélène Schwab, votre point de vue sur cette question des perturbateurs endocriniens? Cette approche système, que mentionne Marion Guillou, elle est fondamentale aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un produit qu'on achète, on va avoir des produits qui vont venir de tout un tas de pays, qui ont été transformés dans un autre pays, qui ont été assemblés avec d'autres matériaux. Et le fait de prendre en considération l'ensemble des étapes du processus avec une homogénéisation des normes et ce genre de choses pour essayer d'assurer la sûreté sanitaire du produit qu'on achète in fine, du produit final, est absolument fondamental. Et j'irais même un petit peu plus loin dans la nécessité de cette approche système. C'est il y a un concept aujourd'hui depuis le début des années 2000 qui est le système de One Health, donc une santé, la santé des populations, la santé des animaux et la santé de la planète. Et donc c'est vraiment cette approche système qui s'étend, où le fait d'appliquer moins de pesticides, le fait d'appliquer moins de fertilisants chimiques sur les champs peut conduire aussi à protéger la santé humaine. Et donc c'est un peu le concept d'une santé unique pour les organismes vivants comme pour la planète, qui est en train de se développer pas mal ces dernières années. Pour conclure cette partie autour des additifs alimentaires et de ce que l'on peut trouver en plus, alors pas seulement dans les aliments ultra transformés, puisqu'on peut trouver des additifs dans des aliments simplement transformés, comme dans des conserves par exemple de légumes, ou même dans des surgelés parfois. Est-ce qu'il faut, au même titre qu'il faut réduire la part de consommation d'aliments ultra transformés, est-ce qu'il faut surveiller pour mieux manger aujourd'hui la présence de ces additifs, ou est-ce que on peut estimer aujourd'hui que ces additifs sont suffisamment contrôlés, suffisamment encadrés pour avoir la certitude qu'ils ne sont pas nocifs ou toxiques à moyen ou à long terme, Marion Guillou? Et normalement, tout est fait pour qu'ils ne soient pas toxiques à moyen ou à long terme, puisque les doses qui sont fixées, c'est en supposant qu'on en consomme tous les jours sur toute la vie. Et on les fixe par produit, et puis après on regarde le régime alimentaire, et le régime alimentaire moyen, et le régime alimentaire des extrêmes, parce que le sujet, en général, c'est pas le consommateur qui mange équilibré. Le consommateur qui mange équilibré, ça se passe bien, parce que les doses sont largement inférieures. Le problème, ce sont les gens qui ont une alimentation extrêmement abondante en un produit donné, Et donc, il faut regarder ce qu'on appelle les queues de distribution, c'est-à-dire les gens qui mangent, je ne sais pas moi, du foie de veau tous les jours, à midi et le soir. Alors là, il peut y avoir un problème en vitamine A. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire quand vous accumulez, le fait que vous accumuliez de manière extrême dans votre alimentation un certain nombre de denrées peut devenir un problème. Et c'est donc ça qu'on regarde dans les études de toxicologie, ce sont les consommateurs extrêmes. Pascaline d'omble chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédra. Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Pigeon gautier rôti entier, puis terminé à l'étouffer dans un poivron rouge. Galette d'oignon cébette aux fruits secs, miroir cassis de vin, échalote confite et traits de chocolat amer. Les poissons bleus, pavé de bonnet cuit en cocotte, terminé dans un jus de lisette au vadouvant, escabeille de sardine à l'aubergine, poêlé de thon rouge lié d'un sucre de crevette grise, pisse à la lierre d'anchois frais aux poules de choux. Les langoustines, trois préparations de langoustines bretonnes, grillées terre de sienne en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girolles liées de caroube, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert. Charcuterie fine, ballotine de foie de canard aux graines de moutarde râpées de chorizo, pâté de veau truffé, chiffonade de poirée rouge, bouillon cultivateur, pelota tartinée d'une pâte de figue cérès, l'eau portugais, copa corse, sur les graisses de cochon, tarte de ville au lard colonna, tomates et poires séchées pour ma main, boudin noir maison à la canette, ça va quoi ? Voilà, et bon appétit si vous nous écoutez à 16h, bientôt 40 minutes. C'était Slow Food d'Aston Villa, un certain nombre de voix de la chanson française que vous avez peut-être reconnues, dont Alain Bashung, Zazie, qui liste comme ça un menu de Pierre Gagnaire. Je pars sous votre contrôle. C'est ça. C'est Antoine Beauchamp, c'est vous qui nous avez suggéré ce morceau aujourd'hui. Voilà, puisqu'on parle de sécurité alimentaire tout au long de cette heure, en compagnie de Marion Guillou, qui est présidente d'Agrinium, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, et Marie-Hélène Schwab, qui est ingénieure agronome, chercheur à l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, on va maintenant s'intéresser bien aux pesticides, aux intrants, au traitement de la nourriture non transformée, à savoir si, effectivement, aujourd'hui, les légumes que nous trouvons dans le commerce bien sont plus toxiques ou plus dangereux que ceux que nous pouvions trouver bien dans notre potager il y a 40, 50, 100 ou 200 ans, qui sait. Voilà, puisqu'en fait, selon un rapport dont on parlait au début de cette émission, qui a été publié au mois de février dernier par l'ONG Génération Future, 3/4 des fruits et 40% des légumes non bio présentent des traces de pesticides détectables. On restera à savoir quantifier ces traces et ce qu'elles signifient. Mais si l'on remonte quelques années plus tôt, il y avait encore mieux que les traces de pesticides écoutées. Bien, on emploie aussi les radioéléments pour les aliments, je crois. Bien, irradier des aliments, c'est les soumettre à un flot de rayonnement. Ce rayonnement pouvant provenir de sources radioactives, pouvant provenir également d'éléments combustibles usés que l'on retire d'une pile atomique et pouvant provenir également de gros accélérateurs d'électrons. Mais est-ce que cela va rendre les aliments radioactifs ? Nous utilisons toujours que des rayonnements de relativement faible énergie et ces rayonnements de faible énergie ne peuvent pas activer les aliments. Donc les aliments ne sont pas radioactifs, en dehors d'ailleurs de la radioactivité naturelle qui est due par exemple à la présence de potassium dans les aliments. Bien, mais pourquoi irradie-t-on les aliments ? En général, c'est pour les conserver plus longtemps, pour qu'ils aient un meilleur aspect. Et je dois dire que ce que l'on cherche, en général, c'est d'obtenir des aliments de meilleure qualité, se conservant plus longtemps et de les garder dans la plus grande quantité possible. Ce sont seulement des expériences, ou est-ce que ce sont des expériences de caractère industriel, si je peux dire, pour une utilisation pratique ? Bien sûr, ce que nous visons, c'est une utilisation pratique. Mais il est évident qu'avant d'envisager une utilisation pratique de ces techniques, il faut être sûr que les aliments irradiés ne présentent aucune toxicité pour les gens qui ensuite vont les manger. Vous n'en êtes pas encore sûr maintenant ? Eh bien, les expériences qui ont été faites pour l'instant aux États-Unis, qui portent à peu près sur 5 ans, toutes ces expériences, dis-je, qui ont été faites jusqu'à présent sont négatives. Il n'y a pas eu de résultats qui empêcheraient d'utiliser la méthode. Malheureusement, vous savez que ces expériences sont extrêmement longues et qu'avant de prendre une décision, on est obligé de faire des expériences qui durent facilement 5 ans. Nous nous sommes fixés comme objectif, d'ailleurs, des irradiations à relativement basse dose. Par exemple, pour le blocage de la germination des pommes de terre, des oignons, pour la désinsectisation des grains, pour le traitement des fruits, pour augmenter leur durée de conservation. Ces traitements à basse dose, nous les avons utilisés d'abord parce que nous pensons que les réactions secondaires sont beaucoup moins importantes qu'avec des doses qui seraient 10 fois plus importantes. Voilà, l'archive date de 1961, à l'époque où l'on irradiait donc les légumes. Est-ce que cela veut dire, si je vous... une réaction peut-être simplement, Marion Guillou, Marie-Hélène Schwab, est-ce que vous venez d'entendre des légumes irradiés aujourd'hui, ça nous paraît improbable, mais est-ce que dans 50 ans, l'idée de trouver des traces de pesticides dans les légumes, ça paraîtra improbable aux générations futures ? Alors, à ma connaissance d'abord, je pense qu'on n'irradie plus les aliments chez nous. Non, ça date de 1961. Oui, mais il faut le dire. C'est-à-dire qu'à une époque, ça a été autorisé. Mm-hmm. Vous le savez, sur les fraises, je vous dis ça de mémoire, il y avait quelques... les oignons peut-être, pour éviter la germination. Il y avait quelques fruits ou légumes pour lesquels il était autorisé à une époque d'irradier. Et je pense que c'est terminé. Non, il faut peut-être le dire, parce qu'après avoir entendu ça, les gens vont se poser des questions. Alors, je ne sais pas... Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ben, c'est surtout que le mot et la technologie font pas du tout référence à l'alimentation, en fait. C'est pas, je ne sais pas ce que ça donnerait à long terme sur une alimentation, mais si vous voulez, intuitivement, l'alimentation, c'est autre chose que de la physico-chimie. Et d'une certaine manière, comment vous vous représentez un aliment ? Vous ne vous représentez pas très facilement un aliment qui utilise des déchets d'irradiation, voilà. Donc je pense que c'est, ça n'est pas très, voilà, très... très facile à penser. Or, les aliments, comme le disent les anthropologues, il faut que ça se pense. Marie-Hélène Schwab, c'est vrai. Il est très intéressant, ce document, parce qu'il montre quelque chose qui, je pense, est en train de changer aujourd'hui. C'est une croyance indéfectible dans la technologie pour résoudre les problèmes liés à la production de produits agricoles et liés à la conservation de ces produits. Le documentaire parle notamment de la germination des pommes de terre, qui est un problème extrêmement important pour la conservation de ces produits-là. Et les agronomes, les scientifiques se sont toujours penchés sur la technologie en espérant qu'elle puisse nous aider à résoudre un certain nombre de sujets, un certain nombre de problèmes dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que la nature elle-même nous offre énormément de systèmes, énormément de solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense que cette croyance fondamentale dans la technologie qui vient d'ailleurs pour résoudre des problèmes du monde agricole, alors que le monde agricole lui-même et que le système environnemental du monde agricole offre des solutions aussi, je pense que c'est un concept qui est en train de grandir aujourd'hui et qui s'éloigne un tout petit peu de cette croyance indéfectible dans la technologie qu'on entend très fortement dans ce documentaire. Un mot peut-être, parce que donc on évoquait au tout début de cette émission ce rapport de l'ONG Génération Future sur des traces de pesticides détectables, comme on en parlait autour de cette table il n'y a pas si longtemps dans une émission consacrée à l'histoire des poisons. C'est la dose qui fait le poison, comme disait Paracels. Est-ce qu'aujourd'hui ces traces de pesticides que l'on trouve dans les légumes non bio sont des traces qui sont des traces toxiques à moyen ou à long terme, Marion Guillou? Alors, comme vous le savez, le bio n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Il utilise du cuivre, enfin des métaux lourds, un certain nombre de métaux ou de choses comme ça, sur lesquels il faut aussi faire un petit peu attention. Mais globalement, il n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, et donc on ne retrouvera pas ces additifs ou ces pesticides que de synthèse. De synthèse, oui. Alors, effectivement, le rapport de Génération Future fait état de présence quantifiable. Il y a présence détectable, présence quantifiable, et de résidus de produits phytosanitaires dans ces denrées, fruits et légumes. Mais il ne dit pas ce que dit le rapport de la DGCCRF dont ils se sont inspirés, que seuls 3% de ces fruits et légumes, je dis 3% parce que c'est 2,7 et 3,5, hein, 3% de ces fruits et légumes dépassent la limite maximale résiduelle, qui est donc la limite de sécurité pour ne pas avoir de toxicité quand on en mange tous les jours et toute la vie. La LMR, qui voilà, est la dose de toxicité, enfin, c'est pas vraiment une dose de toxicité. On part de la dose sans effet, voilà. Vous le savez, puis on divise la dose sans effet, on la répartit sur l'ensemble des produits et ça donne la limite, maximale résiduelle, et puis qui donne, quand vous sommez tous les aliments, la dose journalière admissible. Bon, c'est un peu ardu tout ça, mais on comprend à peu près la logique. Donc, je crois que le rapport de Génération Future, en fait, ça n'est pas tant le problème sanitaire, c'est pas le problème de sécurité des aliments qui vise, ce sont les pratiques agricoles. C'est-à-dire, je suis assez d'accord sur le fait que le sujet, c'est pas le sujet 1, il parle d'alimentation, mais c'est pas vraiment le sujet du rapport. En fait, il renvoie à pourquoi l'utilisation des produits phytosanitaires. Est-ce qu'on ne peut pas penser des systèmes agricoles qui utilisent moins de produits phytosanitaires? C'est en fait, on revoit le modèle d'une certaine manière. Et au fond, moi, je suis assez d'accord sur le fait que il y a une partie de la population qui est prête, si on lui explique comment sont faits les aliments, et notamment avec quels soins ils sont faits, avec quelles méthodes ils sont faits, et qui les a faits, c'est même en personnalisant les choses, qui est prêt à donner un petit surplus de prix à ces aliments. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, on ne peut pas demander aux agriculteurs de produire au même prix que les Brésiliens ou les gens du monde entier, qui n'ont pas de contraintes, ou moins de contraintes sanitaires, on ne peut pas leur demander ça. Par contre, s'il y a une traçabilité, s'il y a une communication aux consommateurs, justement de cette valeur environnementale, des pratiques agricoles, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de communiquer aux consommateurs qui donnera le petit surplus de prix qui permet que ce soit possible. Dans la mesure du possible et en fonction évidemment des moyens disponibles. Et là, une fois de plus, on se rend compte que l'alimentation est évidemment très liée aux conditions socio-économiques. Mais peut-être qu'il faut dire un mot, et on en parlait tout à l'heure, du problème de cette limite maximale résiduelle ou en tout cas de ces traces de pesticides. C'est-à-dire que ce sont des traces qui sont testées individuellement. Or, on sait aujourd'hui qu'il existe ce que l'on appelait tout à l'heure et ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'effet cocktail. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les effets cocktails, ils sont paradoxalement, comme on l'a déjà évoqué tout autour de cette table, assez compliqués à documenter. Vous êtes allé vous intéresser précisément à la façon dont on peut les évaluer. Oui, et j'ai rencontré Robert Barouki, qui est biochimiste, toxicologue et directeur du laboratoire Toxicologie, Pharmacologie et Signalisation Cellulaire de l'Université Paris-Descartes. La recherche, depuis quelques années, vous le disiez, elle s'intéresse non plus seulement aux effets des contaminants substance par substance, mais à leurs mécanismes combinés et à leur effet possible, ce fameux effet cocktail, sur notre santé. Robert Barouki nous explique pourquoi il est compliqué de cibler ces cocktails les plus nocifs et comment les chercheurs tentent d'évaluer les risques d'une exposition au long cours à ces contaminants. La plupart des études toxicologiques, historiquement, sont faites substance par substance. D'ailleurs, la réglementation des toxiques est quasiment toujours faite substance par substance. Mais la réalité de l'exposition est tout autre. La réalité de l'exposition, c'est qu'à un moment donné, on est exposé des centaines, des milliers de substances en même temps. Et alors, si on prend la dimension temporelle, alors là, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Donc, on a une sorte de dissociation entre les études toxicologiques qui servent à la réglementation et la réalité de l'exposition. Alors, pourquoi c'est quand même compliqué? Parce que le cocktail de toxiques auquel moi je peux être exposé est différent de celui auquel vous allez être exposé ou toute autre personne. Et donc, les approches, disons, expérimentales ou les approches populationnelles pour explorer cette question de cocktail sont compliquées. On peut prendre deux types d'exemples d'études par lesquelles on peut améliorer nos connaissances sur les cocktails. Vous pouvez vous dire, dans tous ces cocktails, il y a certains qui sont peut-être plus importants que d'autres. Dans ce mélange de substances de centaines, de milliers, il y en a certains qui sont plus importants. Comment je vais le détecter? Je fais des études épidémiologiques où j'essaie d'analyser d'une part l'exposition, par exemple en prenant un peu de sang ou des urines et voir à quoi cette personne est exposée. Et puis je vois des effets santé, problèmes de diabète, de cancer, etc., etc. Et j'essaie de voir quel est le groupe de substances qui va être le mieux en corrélation avec ce problème de santé. Et je dis, voilà, ça c'est un mélange qui a l'air plus important, je dirais, que les autres mélanges, puisque j'arrive à lui établir une corrélation. Et donc, ensuite, expérimentalement, vous allez étudier ce mélange aux doses qu'on retrouve chez l'homme, etc. Donc ça, c'est une manière d'aborder les choses, mais qui reste, je dirais, spécifique d'une association avec un problème de santé et ce mélange et cette population. L'autre manière est plus générique, c'est de dire, au fond, il y a peut-être des dizaines de milliers, peut-être 100 000 substances qui traînent à un taux important. C'est impossible que je puisse faire des études sur tous les différents mélanges. Vous imaginez les exponentiels là-dedans. Un enfer statistique. Donc, on va essayer de simplifier le système. Une manière de simplifier, c'est de dire, OK, s'il y a beaucoup de substances, il n'y a pas beaucoup de mécanismes. Et là, je simplifie, je passe de 100 000 substances, je passe à 30 ou 40 mécanismes. Et je vais essayer d'étudier des interactions entre ces différents mécanismes. Ensuite, si j'ai un cocktail de substances sur lequel on me demande de travailler, je vais essayer d'associer à chaque substance un mécanisme, ou deux. Bon. Et ensuite, avec tout ce que j'ai appris sur les interactions entre les mécanismes, je vais modéliser l'effet de ce genre de mélange. Donc là, c'est un peu plus générique, ça prendra un temps certain. Ça commence aux États-Unis, il y a de très grands projets sur l'analyse substance par substance de tous les effets des substances. Donc on passe au niveau mécanisme. En Europe, il y a des efforts aussi dans ce sens, mais peut-être moins importants. Et ensuite, il faut arriver à modéliser. Est-ce que notre alimentation, la nourriture qu'on mange tous les jours, est un foyer particulièrement important de ces cocktails de contaminants, précisément ? Notre alimentation est le reflet d'une part de la nature, hein, de tous les additifs qu'on rajoute, de tous les intrants qu'on rajoute, etc. Donc, dans notre alimentation, si on ne fait pas gaffe, on a tout ça. Alors, tout est présent à l'état de trace. Or, on sait maintenant détecter ces traces. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses dans un aliment. Et la question est-ce que ces traces-là posent un problème ou ne posent pas de problème ? Et c'est toute la difficulté. Parce que, je reviens à l'effet cocktail, on fait des études pour savoir à quelle dose on commence à avoir un problème. Et en général, on fixe des seuils, pas pour toutes les substances, mais pour beaucoup de substances, on va fixer des seuils. Et on dit, bah, si dans un aliment, votre substance dépasse tel seuil, il est interdit à la consommation. Bon. Mais ces seuils, les études faites pour fixer ces seuils-là, sont faites substance par substance. Donc, si j'ai un mélange de 5 ou 6 pesticides qui agissent tous par le même mécanisme, par exemple, en s'opposant à l'hormone mâle, la testostérone. Il y a beaucoup de pesticides qui font ça. Si je fais mes études de biologiques, toxicologiques, substance par substance, on détermine un seuil et bon, souvent c'est en dessous du seuil, hein, parce que c'est des traces. Mais supposons qu'il y ait 5, 6, 7, 8 pesticides qui agissent par le même mécanisme. Si maintenant je les analyse non pas comme indépendamment, isolés les uns des autres, mais comme un mélange de substances, le tout allant sur le même mécanisme, si on fait ça, ben, le risque, c'est qu'on dépasse à ce moment-là les seuils toxicologiques. La deuxième difficulté, c'est qu'on est toujours à des doses extrêmement faibles. Et pour certaines substances, notamment des perturbateurs endocriniens, il semble que les faibles doses aient aussi un effet. Le troisième point, très difficile, c'est que nous ne sommes pas en train de parler de poison où on va consommer et tout de suite après ou le lendemain, on est malade. On parle de contamination qui, sur le très long terme, 20, 30 ans, peut-être des générations, va avoir un effet. Alors, on a beaucoup de travaux sur les effets nocifs de certaines substances. On a moins de travaux où on peut affirmer que c'est le cocktail de substances qui est vraiment responsable de ces effets nocifs. Il y a quelques cas dans la littérature, c'est pas quelque chose qui est très... En revanche, on a beaucoup de travaux qui indiquent que quand on est exposé à telle substance, il y a une augmentation du risque d'avoir une pathologie. Attention au terme, une augmentation du... On n'est pas... Ça ne veut pas dire si vous avez mangé des pesticides dans votre vie, vous n'êtes pas sûr d'avoir des problèmes. Heureusement, vous augmentez votre risque de 1,5 fois, de 2 fois. On est dans des zones qui restent quand même modestes, mais qui quand même peuvent se cumuler. Et donc, c'est ça le problème. Ça va être très frustrant parce qu'il y a ce côté aussi, pour les tenants de ces produits-là qu'on sait quand même a priori plutôt nocifs, on vous renvoie dans vos buts en vous disant, est-ce que vous avez des preuves suffisamment fortes de ce que vous avancez ? Comment ça, vous le négociez en fait au quotidien ? Comment ça se passe ? On va vivre longtemps dans un univers d'incertitude et on doit prendre des décisions dans un univers d'incertitude. Ça s'appelle le principe de précaution. C'est un principe qui doit être fondé sur la science, qui demande beaucoup de science parce que quand on est dans l'incertitude, ça demande encore plus de science. Donc voilà, et c'est seulement des groupes d'experts qui peuvent faire ce genre de travail. Voilà, face à l'effet cocktail, le principe de précaution, c'est un avis que vous partagez, Marie-Hélène Schwab ? Oui, tout à fait. Comme le reportage le dit, nous sommes dans un univers d'incertitude pour ce qui est de la quantification du risque lorsqu'on ingère des aliments qui contiennent des traces de pesticides. Après, le risque sanitaire lié aux pesticides, il n'est pas seulement sur la santé humaine, comme on le rappelait. Il est au moins de deux autres ordres. Il est de l'ordre des agriculteurs qui épandent ces substances, où là il y a aussi tout un tas d'études qui montrent le danger de l'exposition à ces substances lors de l'application dans les champs. À des niveaux beaucoup plus élevés évidemment que les consommateurs. Évidemment, bien sûr, tout à fait. Et l'autre chose qui est aussi fondamentale, c'est le risque pour les autres êtres vivants, pour la biodiversité. Il y a une étude toute récente qui est sortie par le CNRS et le MNHN qui montre qu'en 15 ans, on a perdu 30% de la population des oiseaux dans les champs et que c'est lié donc à l'augmentation de l'application de pesticides. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est négligeable. Donc, il me semble que l'univers d'incertitude, il est certain lorsqu'on parle d'alimentation. Il devient beaucoup moins incertain quand on parle des autres effets des pesticides. Pour conclure cette émission, il nous reste quelques minutes, je vais vous poser des questions. Oui, Marion Guillou, tout à fait, mais comme il nous reste quelques minutes, je voudrais juste vous poser une question en prenant le contre-pied total de ce que nous venons de dire tout au long de cette heure. Finalement, nous sommes en 2018, l'espérance de vie en France n'a jamais été aussi élevée, l'espérance de vie en bonne santé n'a jamais été aussi élevée. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train, et en disant ce que nous venons de dire à ce micro autour de cette heure, de développer une sorte de paranoïa alimentaire, alors que finalement l'alimentation est plus sûre que jamais, ce qui est l'argument des industries de l'agroalimentaire, des producteurs de pesticides, en disant « mais regardez, tout le monde va mieux, les fruits sont beaux, les légumes sont beaux, tout le monde mange bien, tout le monde mange à sa faim, de quoi vous plaignez-vous ?» Alors, effectivement, l'espérance de vie augmente et l'alimentation fait partie des raisons pour lesquelles l'espérance de vie augmente. Donc, il ne faut pas faire un tableau catastrophique. Ça n'empêche pas, dans une société qui en a les moyens, d'être le plus attentif possible à l'ensemble des dangers, puis potentiellement aux expositions et aux risques. Donc, effectivement, on se permet des choses, on se permet de faire des choses beaucoup plus poussées qu'il y a quelques années. Donc, on prend des mesures de précaution beaucoup plus poussées qu'il y a quelques années. Mais je voulais intervenir sur les histoires de principe de précaution et d'effet cocktail. Attention, le principe de précaution, c'est lorsqu'il y a un risque plausible de dommages graves et irréversibles. On ne va pas dire, attention, vous mettez, je ne sais pas quoi, un micro à côté d'une source, je ne sais pas quoi, ça pose un problème terrible. Il faut quand même avoir l'idée, et notamment, M. Barouki le disait, l'idée de mécanismes qui peuvent conduire à avoir une suspicion de quelque chose. Parce que sinon, vous interdisez tout. Je veux dire, si quoi qu'il arrive, vous dites que les mélanges sont dangereux, vous interdisez tout. Donc, il faut quand même que le risque soit plausible, non pas montré, parce que s'il est avéré, il faut faire de la prévention, il faut interdire. Mais au moins un risque plausible, c'est-à-dire potentiellement possible. Et sinon, non. Sinon, attention, sinon vous ne bougez plus. Hein, si vous pensez que tout croisé partout, ça rend extrêmement... Et je veux dire, après, c'est effectivement les observations d'effets sur la population qui, en attendant d'avoir croisé les mécanismes dont nous parlait M. Barouki, vont être la mesure de s'il y a effectivement risque ou s'il n'y a pas risque. Est-ce qu'il y a un pourcentage de cancer supérieur sur telle population exposée à ça? Et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est l'observation, c'est la vigilance, c'est l'observation a posteriori qui vont nous permettre de cibler peu à peu les cocktails dangereux. Un tout dernier mot rapidement, Marie-Hélène Schwab, est-ce que l'idée selon laquelle finalement il vaut mieux cultiver son potager au fond du jardin avec la poule pour avoir des œufs, ça veut dire qu'on se nourrit forcément mieux ? Non, mais tout le monde n'a pas forcément déjà les capacités d'avoir un jardin et d'avoir une poule dans son jardin, mais si on est dans un univers où on entend parler de choses inquiétantes et que ces inquiétudes par rapport à son alimentation nous poussent à aller chercher l'information et à être plus intelligent pour la manière dont on consomme et à réaliser qu'on peut avoir un effet de levier pour la transformation de l'ensemble du système vers un système plus durable, je veux dire, très bien, enfin, tout est bénéfique. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci beaucoup à toutes les deux, merci Marion Guillou, merci. Marie-Hélène Schwab, un mot pour vous dire que samedi, vous allez l'entendre dans un instant, la petite promo qui va suivre, mais que samedi c'est le dernier des trois grands forums, l'année vu par les savoirs sur France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, que c'est gratuit, qu'il faut vous inscrire sur maisondelaradio.fr et que de 15h30 à 16h30, pour ne parler que de la méthode scientifique, mais il y aura aussi la philo, l'histoire, l'écho et le dialogue de clôture avec Cédric Villani, et bien nous parlerons de l'intelligence artificielle. Nous demanderons non pas si elle est plus intelligente que nous, mais si au contraire, et bien elle est destinée à être plus bête. Vous pouvez vous inscrire, on va vous mettre les liens tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lausanne, Sarah Ijmans, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans un instant, c'est la nouvelle série documentaire de la semaine, La Marche des banlieues, par Sébastien Descartes-Aide, réalisée par Véronique Samouilov. Tout à l'heure à 18h20, du grain à moudre, faut-il tout miser sur le couple franco-allemand? Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons de Theia, c'est une planète du système solaire que vous ne connaissez certainement pas et pour cause. Elle nous est rentrée dedans et elle a percuté la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. À la découverte de Theia, c'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.